good things have been taken. But girl, they always make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita, votre rendez-vous de rock progressif hebdomadaire avec Bruno, côté à la mise en onde. Et merci Bruno pour la semaine dernière pour ton choix musical. Et Marc Chaunet avec vous cette semaine avec un choix musical également. Alors, c'est une émission consacrée au rock progressif d'aujourd'hui. On a beaucoup de nouveautés. Ce soir, on a le nouveau de John Galgano, qui est un musicien de Is, le bassiste et chanteur. On a Violeta de Otono du Brésil, une nouveauté. On a aussi Lis Erstil du Danemark. Alors, on a plusieurs autres nouveautés. On a des nouveautés québécoises aussi, le groupe Carcius. On aura un paquet de bonne musique pour vous ce soir. Et d'ailleurs, Violeta de Otono, qu'on entendra en second numéro, est un groupe brésilien et c'est un beau retour après 5 ans. Il y avait eu l'album Volume 7 en 2007 qui était un excellent disque. Celui-là est encore meilleur ou vraiment vaut la peine. Un différent, le précédent était plus dans le style, plus style Canterbury. Celui-là, plus moderne, je dirais, dans son son. Alors, Violeta de Otono et l'album Espectro. Alors, on entendra la pièce Claro Escuro. Mais d'abord, John Galgano, donc bassiste de Is, et il y a sur ça aussi la chanteuse qui est dans Is aussi, Laura Mede, et le guitariste aussi qui fait quelques pièces. Et c'est un bel album, c'est son premier effort solo, toutes des compositions donc de John Galgano, et on débutera. Le titre de l'album, c'est Real Life is Meeting, et vous allez voir que c'est tout à fait dans le style de Is. Si vous aimez Is, vous risquez de beaucoup aimer son album, donc John Galgano, donc tiré de Real Life is a Meeting. On débutera avec la pièce Bigger on the Inside, donc, et ce sera suivi de Violeta de Otono, la nouveauté, et The Watch, et on vous revient. Nightmare sleep. Wonderfully frightening. Think about your loves. Sorry for hurting you. Never thought you'd feel this way. Never thought you'd have the space. But you're bigger on the inside. Bigger where it counts. We're bigger on the inside by all accounts. We're closing in on knowing just what we're about. We're bigger on the inside. You once said, don't you see? Just can't hurt me. Anything outside by your lookout. We're closing in on you, and we just want to bound the bar bigger on the inside. Stop. Glad they're le groupe italien The Watch et la pièce Something Wrong tirée de Planet Earth. The Watch qui sera en concert les 22 et 23 novembre prochains. C'est à la salle La Seine-Le Bourgneuf et en première partie, il y aura un groupe de New York, Shadow Circus. Donc, deux spectacles différents les 22 et 23 novembre prochains. Et c'est votre émission de rock progressif préférée qui vous invite. Et juste avant, il y avait eu Violeta di Otano du Brésil et la pièce Claro Escuro de l'album Espectro. On y va tout de suite avec un groupe de Montréal, Carcius, c'est leur nouveau disque de First Day, et la pièce Hypnotique. Et au retour, on aura aussi un groupe de Montréal, Mystery, tiré de leur plus récent album intitulé The World is a Game. Et on vous revient au retour. gagnante de l'édition 2011 des Francouvertes, Chloé Lacasse, sera en spectacle le mercredi 7 novembre au Théâtre Petit Champlain à Québec. CKRL et Vega Music vous offrent la chance de gagner vos billets pour le spectacle, un album autographié et une rencontre exclusive avec l'artiste à la table VIP lors de son passage à l'émission en direct du Sacrilège le 31 octobre. Pour devenir finaliste, écrivez-nous sur la page Facebook de CKRL. Plus de détails sur notre site internet ckrl.qc.ca. Le Largo est fier de présenter la 6e édition du Festival Jazz de Québec du 15 au 28 octobre. 80 spectacles de haut calibre avec des artistes de renommée internationale dont Robert Glasper, Arturo Sandoval, Oliver Jones, Vic Vogel, Colin Hunter et un hommage aux 50 ans de carrière de Roland Martel. Près de 20 lieux chaleureux et prestigieux accueilleront les spectacles du festival. Vivez au rythme de la note bleue en suivant le circuit jazz à travers la ville. jazzaquebec.ca. Mood Session. Mood Session. Mood Session, fusionnant l'énergie du soul à l'ivresse du blues. Who's the man that I see? I need to know. Mood Session, au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, le 10 novembre à 20h. Billets en vente au coût de 17$, taxes incluses. Réservé au 418-839-1018. Vieuxbureauxdeposte.com. AV Jam, ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. AV Jam offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AV Jam, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. Possibilité de mise de côté. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 88-640-2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. Thank you. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on vient d'entendre, c'était le groupe de Montréal Mystery et leur plus récent album The World is a Game. Et c'est vraiment un très bon disque, en fait. Toutes les pièces sont bonnes. Je pense que c'est leur meilleur. Et vraiment, c'était la pièce Superstar. Vraiment, il y a des bonnes pièces sur ça. Et donc, le groupe Mystery sera en spectacle à Québec en première partie du groupe Arena le 10 novembre à l'Impérial. Et ils nous présenteront une bonne partie de leur nouveau disque. Et je pense que c'est la première fois qu'ils vont faire un spectacle, d'ailleurs, à Québec. Le groupe Mystery, même si c'est un groupe de Montréal. Il y a peu d'occasions d'avoir des shows de prog. Là. Alors, n'oubliez pas d'aller voir aussi The Watch. Hein, The Watch, le 22 et 23. Donc, il y a deux chances de les voir, le vendredi et le samedi soir. Donc, c'est à la scène Le Bourgneuf. Et les billets sont en vente dans les bons points de vente. Et on poursuit donc en musique avec des nouveautés. La nouveauté de Galahad, c'est leur second disque. Hein. Il y avait deux disques. Là. Il y avait déjà annoncé avec Battlescars qu'il y avait... Battlescars était le premier qui est paru cette année aussi. Et le second, donc, qui s'intitule Beyond the Realms of Euphoria. Donc, c'est le deuxième album qu'ils ont réalisé avec le bassiste qui est maintenant décédé. Et donc, on écoutera la pièce And Secret Worlds de cet album-là, et ce sera suivi du groupe du Danemark, Lis R. Steel. C'est leur quatrième album, intitulé Nous, N-O-U-S. On peut le lire à notre façon, même si, si c'est danois. Et ce sera la pièce Human Head. Mais d'abord, Galahad, ensuite Lis R. Steel. Ça se passe sur les ondes de CKRL, et c'est l'émission Terra Incognita.

Alors c'était le groupe Lis R Steel du Danemark, tiré de leur plus récent album Nous, et c'était la pièce Human Head. C'est très intense, comme vous avez pu le constater. C'est un groupe qui est vraiment particulier et c'est très intéressant à mon avis. En fait, j'étais content de vous le faire entendre ce soir. Et juste avant, il y avait eu la nouveauté de Galahad, l'album Beyond the Realms of Euphoria. L'album est vraiment pas tout comme la pièce que j'ai sélectionnée. Disons que c'était ma préférée de l'album. Il y a des hauts et des bas, disons, dans cet album-là, à mon avis. On va poursuivre avec un deuxième extrait de le plus récent album de John Galgano, tiré de Real Life is Meeting. Ce sera la pièce Real Life is Meeting Part 1, une courte pièce. Ensuite, un petit bloc italien. On s'en va avec d'abord sur Prague Exhibition 2, volume 2. Il y a une collaboration de Arti et Mestieri avec Mel Collins, qui a joué aussi avec King Crimson. Donc, ce sera la pièce Valzer per Domani. Ensuite, on ira avec Ornithos, qui est un nouveau projet paru sur l'étiquette Black Widow, et sur AM Records plutôt, et ça s'intitule La Trasfigurazione. J'en avais présenté un extrait lors de mon émission précédente. Donc Ornithos, La Trasfigurazione. On écoutera aussi un extrait de ça. Ce sera, oui, la pièce Solamandra Regina di Psyche et di Sagheda. Alors, ça c'est le fun de prononcer de l'italien. Et donc on s'en va pour un bloc italien, mais d'abord en musique avec John Galgano, ensuite donc Arti Mestieri et La Trasfigurazione. Ça se poursuit sur les ondes de CKRL, c'est l'émission Terra Incognita, et c'est Bruno et Marc, on est avec vous jusqu'à minuit. My eyes stay straight, but I tell the truth because I say of what is that it is, and what is not that it is not that it is not. You are Vendredi 9 novembre, l'ensemble des radios communautaires du Québec se réunissent à la Ninkasi pour un événement showcase en levant. Dans une seule soirée, vous trouverez sur scène Marc Derry, Amélie, Élie et Papillon, Laurence Élie,

C'était le groupe italien Mogador, tiré de leur plus récent album Absinthe Tales of Romantic Visions. C'est une nouveauté. Michel vous en a fait jouer une pièce il y a deux, trois semaines. Et c'est vraiment bon. C'est un album concept. Les musiciens avaient décidé d'écrire des musiques à partir de poèmes de poètes célèbres. Il y a plusieurs poètes connus sur ça. Et ça a donné cet album-là où ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre ces poètes-là au niveau de l'absinthe qui était utilisée par plusieurs de ces poètes, dont Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe. Il y a Lord Byron, William Blake et Richard Allen. Il y a plusieurs poètes connus. Il y a même une pièce en français sur ça de Baudelaire. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était la pièce d'ouverture Whispers to the Moon, tirée de cette... C'est un album recommandé, donc Mogador, Absinthe Tales of Romantic Visions. Donc, et juste avant, il y avait eu Ornitos. C'est un projet, un concept, un opéra rock, La Trasfigurazione. C'était la pièce Salamandra, Regina di Psiche e di Soghezza. Alors, c'était le bloc italien pour ce soir, même si le deuxième était chanté en anglais, le premier en italien. Alors, on se transporte maintenant au Brésil avec la nouveauté de Quaternaire Requiem, O Arquiteto, qui signifie l'architecte. Donc, c'est un grand retour. Ils avaient fait deux albums dans les années 90 et 94. Et il y avait eu un album peu connu entre les deux. Mais là, franchement, c'est un beau retour, donc, avec Quaternaire Requiem du Brésil, la pièce Préludium, sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita. Thank you.

groupe District 97. Ils sont de Chicago et c'est leur plus récent album, leur second, Trouble with Machines. C'était la pièce, la première pièce de l'album intitulée. Laissez-moi regarder ça, c'est un peu spécial la façon que c'est écrit. Ooh. Harsh and Wrath. Alors, donc, c'était donc de District 97. Juste avant, il y avait eu Quaterna Requiem du Brésil, tiré de O Architeto. C'était la Preludium. On s'en va maintenant pour les deux dernières pièces de l'émission en musique avec Big Big Train, un de mes groupes favoris pour leurs trois derniers disques. Et celui-là est excellent. Electric English Electric Part 1. Donc, on ira avec une pièce intitulée The First Rebreather. Et ensuite, un groupe québécois pour terminer et faire une transition avec une émission des années 60 et 70. Le groupe des années 70, Opus 5 du Québec, tiré de Contre-Courant. Et c'est de 1976, la pièce Les Seigneurs, mais il faut, on l'entend d'une certaine façon, mais il est écrit de façon différente et ça fait peut-être un peu référence à l'Halloween, la pièce, puisque la façon dont c'est écrit, c'est, ça fait référence au sang. Alors, j'ai essayé de vous faire jouer des... J'avais pas un concept ce soir pour l'Halloween, mais quand même. Alors, donc, après District 97, on y va de façon plus, plus douce. Et ensuite, on termine l'émission avec Opus 5. D'abord, Big Big Train. In a place where the river banks draw near, men work ahead into the west, where streams like giants' fingers close from the hills to the emptiness beneath, to the depths of the mere morning light, midwinter sun. Trying to the other into the unsounded dance of the heading. Out into the fifth circle of hell with no light to lead him home. Man is all alone. We'll be right back.